Au sport. Le 29 janvier, dans la Ligue de basketball Benjamin Masculin Division 3, Louis Saint-Laurent reçoit Tandem Le Boisé à 18h45. Le 30 janvier, dans la Ligue de hockey sans contact juvénile, Louis Saint-Laurent visite la Frontalière à Quaticook à 13h30. Le 31 janvier, au hockey mineur, dans la Ligue simple lettre Offer de Saint-François, l'équipe novice A des Sharks du Haut-Saint-François reçoit Hockey Expert Sherbrooke 1 à l'Arena Distinguis à 15h. L'équipe novice B est à l'Arena de l'Université Bishop à 10h pour affronter Rapid FEM B. L'équipe Atome A est à la maison pour rencontrer Rapid A Sherbrooke à 16h15. L'équipe Atome B reçoit Hockey Expert Sherbrooke 2 à 17h30. L'équipe Peewee B accueille les Rapid Sherbrooke à 18h45. L'équipe Midget A affronte Club Piscine Sherbrooke 1 au Palais des Sports de Sherbrooke à 19h. L'équipe Midget B est à Lac-Mégantic à 20h.